Fest Annonceur, je suis le fondateur et fondateur de l'hôtel site d'information en ligne, LagileFocus.com. Voilà. Marie-Louise Pellegrin, j'organise le terminal du séminaire qui existe depuis que mon professeur était encore là quand il est parti, avant qu'il parte à la retraite. On a fondé cette association du séminaire et puis le séminaire continuait comme ça. Ça s'est reconduit d'année en année. Et alors ça sert un peu de lieu de théorisation de ce que nous faisons, pourquoi qu'est la conception de l'université euro-méditerranéenne, qui est la mise en pratique de la théorie qu'on essaye de théorie, des principes qu'on essaye de mettre en forme ici, puis mettre en pratique. D'abord c'était en Sicile, maintenant c'est trop cher, on a délocalisé comme tout le monde. On est allé en Tunisie l'an dernier, c'était moins cher, à Sousse, et c'était très très très très beau. Et en principe l'année prochaine on devrait aller au Maroc, à Casablanca, mais enfin bon, on verra bien. Une invitation aussi en Algérie, par quelqu'un qui nous aidons beaucoup, un Fatouma, mais bon, on va voir comment ça marche. Alors d'abord, mille fois merci pour ça, qui est nous là, qui participe, mille fois merci. Ben, on se remercie, voilà, d'autant plus qu'on a des projets, pour Internet, etc. Et voilà, c'est le dernier. Mais une série de. Je vais faire une participation. Oui, s'il vous plaît. Et merci. Et c'était sur les langages. Et l'idée, c'est qu'il y a. Est-ce que ces langages nouveaux mettent en forme des réalités nouvelles? Et est-ce que nous avons le moyen de comprendre ces réalités? Comprendre, de voir ce qui se passe, d'entendre ce qui se passe. Et l'hypothèse, c'est que est-ce que nous avons les catégories langagières, pour parler dans mon langage, c'est-à-dire les critères, pour les comprendre. Et on a travaillé sur le langage des femmes, beaucoup. Et puis, maintenant, les langages des jeunes sur Internet. Donc, et est-ce que nous assistons, sans le vouloir, à une nouvelle configuration du monde qui se fait parce que. Non pas les moyens techniques changent bien sûr, mais parce qu'on pense autrement. Et la chose, je lisais pas plus tard que ce matin, Bertrand Badiou qui disait, je sais c'est pas une référence, quelquefois il dit des choses pas mal, Bertrand Badiou. Non, Alain Badiou. Mais c'est pas Alain Badiou, c'est Bertrand. Je parle moi. Ah. Pas Alain Badiou. Ah non, Alain Badiou. Non. Il est de sa famille, c'est ça? Pardon? Il s'est un parent ami Oh, ça, je ne sais pas, c'est son parent ami, je ne sais rien, je ne sais absolument rien. Et ce que j'avais lu ce matin, par hasard, il disait quelque chose qui me semble très juste. Là, les déplacements, de la façon de faire politique différente, on a travaillé l'an dernier là-dessus, c'est-à-dire la politique qui était toujours partie d'un centre et impulsée le mouvement autour, maintenant, c'est la chose change. Il n'y a plus de centre, il semble avoir de moins en moins de centres. Il y a des réseaux qui se mettent en place grâce à Internet, grâce surtout à Internet, mais je dis grâce. Ne confondons pas la cause technique avec cette façon de penser qui de toute façon est là. Parce que moi, l'an dernier, il y a deux ans aussi, on a travaillé sur le langage des femmes et on a vu, mais vraiment avec une surprise, comment les femmes parlent politique différemment des langages des femmes, pas les femmes, enfin, les langages des femmes parlent politique différemment de nous. Par exemple, la notion de pouvoir, personne n'a jamais parlé en termes de pouvoir. Ça s'est décliné autrement, maintenant ça serait trop long de reprendre ça. J'ai fait un compte rendu qui peut paraître, voilà, si sur le site, un jour qui sera. Mais, un déplacement de la façon de la politique. Un déplacement, aujourd'hui, nous assistons avec ce qu'on appelle, je ne sais pas, le monde arabe, qui est vraiment une chose merveilleuse. À quoi on doit ce séminaire? Parce que moi, je l'ai fait en Allemagne cette année, j'ai dit, je ne ferai pas à Paris parce que c'est top, une fois, mais pas deux. Enfin, en Allemagne, j'ai répété, on m'a demandé de faire ce qu'on avait fait l'an dernier. Et puis, ce prêtre de Prague ne fait que de Prague. Rien à voir. Margrethe a fait que vraiment ça nous a donné envie d'en parler sous cette forme. Quel est ce langage qui met en forme un monde différent? Et est-ce qu'on est capable de comprendre cette différence, de comprendre, parce que, et de ne pas la juger toujours par des catégories anciennes, une façon ancienne de voir le monde, avec lesquelles nous avons toujours traité la révolution, les révolutions depuis 1917, nous continuons à avoir des révolutions sous cet aspect. Or, là, il s'agit de quelque chose de très nouveau et qui engage, qui nous amène à penser, à dire, faire avec des catégories, des critères que nous sommes en train de travailler ici. Voilà. Grâce à vous et à vos copains, donc, et je vous laisse la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Est-ce que je peux me permettre de bonjour. Je vais essayer de vous présenter un peu comment on va s'organiser pour parler justement de la thématique des jeunes et des réseaux sociaux, des jeunes algériens et des réseaux sociaux. Donc il y aura trois brèves interventions. Mon intervention, je vais essayer de donner des chiffres par rapport à l'Internet algérien. Je pense que c'est important d'avoir des chiffres pour essayer d'avoir un aperçu justement de la pratique de l'Internet en Algérie. Ensuite, je vais essayer de parler de mon expérience en tant que journaliste qui est passé de la presse écrite, classique, papier, à la presse en ligne, électronique. Et après, rester dans la thématique qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, je donnerai la parole à deux invités, parce qu'il s'agit de réseau, donc il y aura Habib Brahmia qui va essayer de présenter le travail d'un groupe qu'ils ont créé sur Facebook qui s'appelle les Envoyés spéciaux algériens, qui font un travail qu'on qualifie actuellement de journalisme citoyen. Donc ils ont tissé une toile, on va dire, de correspondants à travers tout le territoire algérien, qui corrigera si je veux. Et ils font de l'information en citoyen. Donc il va essayer de nous expliquer un peu leur travail, le pourquoi de cette initiative. Ensuite, il y a le deuxième réseau, si on parle des réseaux sociaux algériens, il y a une deuxième partie où il y a une concentration algérien, d'internet algérien, c'est YouTube. Parce que il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec l'écrit, donc là ils choisissent que ce soit les blogs, soit comme les envoyés spéciaux, donc la version écrite, dans la présentation, dans l'information ou dans l'expression. Et il y a une autre partie qui a plus de facilité à se filmer en train de parler, de discuter de plein de sujets, qui a choisi plutôt une plateforme de vidéo blog dans YouTube. Et Chicha, je pense que c'est le plus vieux YouTuber algérien. Je pense qu'il a créé, il fait partie des 10 premières personnes qui ont créé un site, un compte sur YouTube dès la création de la plateforme YouTube. Donc il va intervenir en tant que vidéoblogueur. Il pourra éventuellement intervenir en tant que parce qu'il a une radio en ligne, il est webmaster de sites d'information, dont le nôtre, Algérie Focus. Il a un envoyé spécial aussi. Okay. Voilà. Donc il est assez. Oui, parce qu'il y a un site envoyé spécial. C'est un compte sur Facebook. Sinon, c'est à côté de votre nom. Mettez votre spécificité, par exemple, ce que vous faites. Parce que ça, c'est intéressant. Là, les internautes parlent aux internautes. Ça a été prévu dans le tableau là. Ah. Et une colonne pour ça. Donc, pour commencer, je vais essayer de donner quelques chiffres que j'ai pu glaner à droite à gauche. En fait, les chiffres qui ont été publiés par des structures qui ont plus ou moins fait un travail de statistique correct. Donc, il y a eu deux publications. Il y a eu une publication qui a été initié, le travail de statistique a été initié par une société qui s'appelle Mediatek, et elle a publié une étude qu'elle a appelée WebDNA, ça veut dire en gros traduction web. Donc ils ont travaillé sur la présence, sur l'utilisation de l'Internet par les internautes algériens. Donc ils ont fait un panel de 5944 internautes, ils leur ont posé des questions. Eux, à l'époque, en 2009, ils avaient annoncé 4,5 millions d'internautes algériens. On verra ensuite que bon, il y a eu un bond parce qu'il y a une déclaration de cette structure. C'est un total de population de 35 millions, à peu près 35-36 millions. Et puis, ils ont posé des questions aux internautes. J'ai pas tout noté. Je lui donnais juste quelques chiffres pour avoir une idée. Ils disent en fait, ils ont posé la question, est-ce que l'Internet représente. Qu'est-ce que l'Internet représente pour vous? 75% des réponses, en fait, des internautes, déclarent que l'Internet devient pour eux un outil indispensable. 90% disent que l'Internet, c'est un outil indispensable qu'ils utilisent quotidiennement. On parlait tout à l'heure de la représentativité, masculin, féminin dans le net. Dans le net algérien, selon l'étude, 74,2% des internautes sont des hommes. Et les femmes, elles sont à 25,8%. Et niveau culturel, c'est quoi? Mais justement, il y a les tranches d'âge, il y a moins de 19 ans, il y a 9%. Il y a entre 20 et 29 ans, il y a 29,2%. Entre 30 et 35 ans, il y a 23,3%. Donc 40 et 49 ans, il y a 21,7 et 50 ans en plus, c'est 16,7. Il y a des concentrations géographiques, bien sûr, parce que vu la logistique, l'installation technique, la donnée technique, il y a une concentration de l'utilisateur de lunettes dans le centre du pays, donc Angers, et la périphérie angéroise. 23,97%, c'est à l'est, à l'ouest ils sont à 15%, et au sud c'est les parents pauvres, ils sont à 9,36%. Ça c'était les chiffres de 2009. Là, c'est des chiffres qui sont tombés fraîchement, c'est il y a 15 jours, c'est le ministre de la Poste et d'Éthique algérien qui a donné les chiffres, les derniers chiffres de l'Internet algérien. Donc lui dit actuellement on est passé de 4,5 millions d'internautes à 8 millions. Donc on a gagné selon lui 4 millions en 2 ans. Et donc ça représente 25% de la population. Le niveau des études aussi augmente ou quoi? Parce que ça, c'est des gens quand même. Je vais essayer après de, selon mon expérience, essayer d'expliquer un peu les catégories d'internautes. Donc il y a sur les 8 millions, il y a 900 000 qui sont connectés en ADSL. Bon, l'ADSL, il faut le mettre dans son contexte algérien, parce que l'ADSL en France et en Europe et l'ADSL en Algérie, c'est pas la même chose. Selon toujours le ministre, il y a 2 millions, justement on parlait des catégories, il y a 2 millions d'internautes sur les 8 millions qui sont issus de la communauté universitaire, donc étudiants, chercheurs, universitaires. Après, bon, lui dit qu'on encourage justement l'installation, on reste toujours dans les discours. Hein. On va voir sur le terrain si ça va se réaliser. Il dit qu'on va essayer maintenant de faire un moyen de s'abonner à Internet via un abonnement par carte magnétique. Il a fait ce genre de déclaration. Donc pour les catégories des internautes algériens, moi, selon mon expérience que j'ai pu découvrir, j'étais internaute avant que je me lance dans l'aventure de la presse en ligne. Donc j'ai fait même des vidéos blog, à certains moments j'ai fait des blogs aussi, j'avais un blog que j'ai animé pendant 2 ans. Moi je mettrai où je diviserai l'utilisation de l'Internet algérien en 3 catégories. Il y a la première, une catégorie qui fait un usage ludique de l'Internet, C'est-à-dire tous les jeunes qui viennent soit partager de la musique, soit aller sur les sites de rencontres, soit passer sur Facebook. Voilà, c'est un côté ludique de l'Internet. Il y a la deuxième catégorie qui a un usage pratique de l'Internet. Ça, c'est les gens, par exemple des universitaires, qui sont là parce qu'ils sont obligés d'aller faire de la recherche pour leur mémoire, pour leurs études, ou des universitaires qui font des recherches, ou qui font de la diffusion d'informations. Et il y a une troisième catégorie que je classerai dans la case politique. Et là, on va mettre les journaux en ligne, on va mettre les partis politiques qui ont des organes de presse en ligne, on va mettre les opposants, les syndicalistes, et éventuellement qui font du journalisme citoyen, parce qu'il y a quand même un engagement politique. Donc quand on essaie de travailler sur l'information, il y a d'une manière prononcée ou discrète, il y a toujours un engagement politique. Voilà. Donc pour moi, c'est l'utilisation de l'Internet, elle se situe plus sur trois niveaux. C'est pas exhaustif comme description, mais je pense que c'est les trois catégories qui sont plus importantes. Voilà. Donc je vais essayer de parler de la catégorie que je maîtrise plus ou moins parce que je suis dedans. C'est la catégorie de politique, voilà. Faire politique est utile aussi parce que utile, il faut savoir qu'en Algérie ou n'importe où, je pense pour créer un journal papier, ça a un coût assez élevé. Et Internet permet justement de pouvoir créer un journal en ligne à moindre coût. Je donne pour l'exemple d'Algérie Focus, on a eu compte capital pour lancer le journal à 150 euros. Voilà. Donc, à 150 euros, on peut avoir son espace, son contenant. Mais après, ça implique l'engagement de journaliste. Ça implique qu'il faut rémunérer, une certaine logistique adaptée à l'usage de travail de l'information sur Internet, c'est-à-dire caméscope, connexion Internet, téléphone, les déplacements aussi. Ce qu'on ne fait pas, contrairement peut-être à certains clichés, quoi, qu'on est juste derrière le clavier et qu'on fait le travail, mais il y a des déplacements, par exemple, quand il y a des séminaires qui sont intéressants. Le déplacement, je fais beaucoup de multimédia sur le site parce qu'on essaie justement de se mettre au standard international avec les moyens du bord, c'est-à-dire travailler sur l'information selon les critères de l'Internet 2.0. Internet 2.0, c'est un usage assez optimal des études multimédia, de proximité avec les lecteurs, en encouragement de journalistes citoyens, etc. Donc voilà, pour les cours, c'est à 150 euros, on a réussi à créer un journal. Et pour le cas d'Algérie Focus, moi j'ai pu un peu chercher, lire à droite et à gauche, et utiliser peut-être tout à l'heure dans son avis sur je parlerai sur la réserve d'un sociologue tunisien. J'ai remarqué que, par exemple, l'Internet tunisien et marocain, sur le domaine des médias, hein, de l'information, il était nettement plus développé, élaboré que l'Internet algérien. Donc je me posais la question, il y a beaucoup de journalistes, chaque fois que j'allais en Algérie, je discutais avec mes confrères, etc. Ils étaient blasés parce qu'ils faisaient du journalisme un peu statique, généralement c'est le traitement des dépêches ou des chroniques, ou ils sont dans la... sont de, je veux dire, de l'âme du journalisme, qui est reportage, enquête, etc. Ça a été un peu délaissé. Parce qu'il y a des raisons politiques, il y a aussi des raisons de moyens. Je pourrais donner des détails tout à l'heure s'il y a des questions sur ce point. Et au Maroc, c'est... Maroc, c'est un peu plus développé, mais j'expliquerai ça parce que l'Algérie, comme on a du pétrole, on a du gaz, on a plein de richesses naturelles. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien a décidé que c'est pas vital pour nous de développer le tourisme. Je pense que le Maroc, la Tunisie, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait eu un frottement avec l'extérieur qui a permis aux gens justement d'échanger quand il y a des gens qui arrivent, de plusieurs nationalités d'Europe, des États-Unis, etc., qui ont un savoir quand même. Et donc je pense que ça a fait en sorte que ça a développé une conscience que l'Internet pourrait devenir un moyen de s'informer, un moyen de méditer, etc. Ça, en fait, moi, c'est mon explication. Après, je ne sais pas si c'est, c'est ce que j'ai pu constater, j'ai pu voir. Et donc, l'internat algérien, il existe à peu près depuis 15 ans. Je dis l'internat algérien, mais à l'époque, c'était on va dire, non pas, je ne dirais pas élitiste, c'était les gens qui avaient plus de moyens. Parce que la connexion à l'époque, c'était à peu près 400 dinars. 400 dinars, quand le SMIC il était à 12 000 dinars, 400 dinars c'est quand même 4 euros, pour un SMIC qui fait 100 euros, 400 dinars d'heure. Hein. Et c'était que dans quelques cybercafés. C'est-à-dire, il y a environ 5 ans, on a commencé à démocratiser, entre guillemets, l'usage d'Internet. Et donc les gens peuvent, mais actuellement, ça reste quand même cher comparé au SMIC. Hein. Parce que le SMIC il est à 15 000, avoir une connexion, avoir un abonnement par mois, c'est, il faut payer 2 500 dinars. Ce qui, si on fait un peu la comparaison, si on touche le SMIC ici à 1 000 euros, pardon, ça reviendrait à payer 350 euros par mois juste pour connexion Internet. Donc ça reste quand même un luxe. Mais ça permet aux gens de justement, ils ont trouvé le moyen de se connecter. Et quand on n'a pas cette ouverture vers l'étranger, problème de visa, les jeunes ne sortent pas, et l'Algérie c'est 70% de la population à moins de 35 ans. Donc c'était un moyen, c'était une fenêtre ouverte sur le monde. Et ça permet aux gens justement de s'exprimer, de parler. Et moi j'ai remarqué que comme on a enfermé la population algérienne habitait un peu à un certain moment sous la piscine des Noirs, on était carrément isolés du monde. Donc ça, c'était, il y avait un besoin de s'exprimer. Et donc, d'un coup, il y a une fenêtre, on peut dire tout ce qu'on pense. En plus, on peut être anonyme en disant tout ce qu'on pense. Donc, au départ, il y avait beaucoup de gens qui parlaient, ils avaient besoin de vider. Ils parlaient. Et là, ça commence à passer à la deuxième étape, c'est se parler. Les Algériens se parlent. C'est toujours un peu fait avec le caractère un peu des gens du Sud, c'est un peu chaud. Il y a les histoires d'ego qui interviennent. Moi, voilà, je suis capable de faire ça. Et généralement, je vais exister, mais à travers toi. C'est un aspect, c'est normal, je comprends qu'on n'a pas eu l'occasion justement d'assumer son jeu, hein, le JE. C'est la Méditerranée. Voilà, la Méditerranée. Et donc, voilà, il y avait un besoin de vider un peu son sac. Et après, on s'est rendu compte qu'on peut se parler, ils ont même si on n'est pas d'accord. Et là, je pense que la prochaine étape, c'est on va arriver à s'écouter. Et quand on arrivera à cette étape, je pense que là, on pourra parler de réseau à proprement parler. Je veux dire qu'il soit vraiment là et développé. Peut-être on arrivera à arriver en fait, à utiliser l'Internet comme les Tunisiens, les Marocains et les Égyptiens, comme on l'a vu dernièrement avec les événements en Égypte. Voilà, donc. J'ai pas trop été brouillant. Voilà. Je peux vous parler un peu du journal, nous, comment on traite l'information. Justement, là, vous voulez rester dans l'esprit de l'Internet. Et donc, on traite l'information, on ne fait pas de l'information algérienne. On fait de l'information algério-mondiale. Parce qu'on est dans un monde qui est mondialisé. Et on voit que certaines décisions déteignent sur décisions ou certaines bonnes ou mauvaises décisions déteignent sur l'ensemble. Il y a des puissances qui prennent des décisions, Washington ou l'Union Européenne, ou on l'a vu, ou Washington, ils prennent une décision qui va déteindre sur d'autres pays qui, normalement, ils ne sont pas concernés, mais quand il y a une interconnexion sur le plan politique, économique, culturel, etc., donc d'une manière ou d'une autre, il y aura des retombées sur par exemple en Algérie. Donc pour nous en tant que journalistes, c'était essayer de développer justement pour comprendre l'Algérie, il faudrait la mettre dans son contexte mondial. Et donc on traite l'information factuelle comme un journal, comme un quotidien normal. Donc on fait de l'information, telle déclaration, voilà, l'information factuelle, l'actualité. Mais cette information ne permet pas d'avoir une grille de lecture de la situation donnée. Donc, on a opté de donner un caractère un peu, comment dire, magazine ou journal, donc fait d'informations quotidiennes, dans les presses, etc. Et on propose des dossiers sur des thématiques. Donc, toutes ces informations qu'on a données de manière fragmentée, on essaie justement de les mettre les unes avec les autres. C'est comme un puzzle, on met toutes les pièces pour avoir une vision globale des situations données. Donc, on a traité pas mal de sujets sur la place de la femme en Algérie, les jeunes avoir 20 ans en Algérie. On a traité des sujets de géopolitique. On a essayé aussi de s'aventurer dans d'autres thématiques d'anticipation. Par exemple, on a parlé justement de l'intérêt des États-Unis à la région de ce qu'ils appellent Middle East, mais bon, qui est un peu de Maghreb. On a parlé de ça, on a fait un dossier il y a un an et demi. Un an et demi sur cette sur ce projet américain, et on se rend compte maintenant actuellement ce qui se passe. On n'a pas vu tout à fait faux. On voit qu'il y a une volonté américaine de s'intéresser éventuellement et de peser sur les décisions. Voilà, ils essayent de chasser la France et se débarrasser un peu. On l'a vu avec la Tunisie d'ailleurs, la Algérie, c'est les États-Unis qui ont été finalement un soutien tunisien. Bon, là, ça c'est toujours, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est sur l'information. Pour les réseaux, je pense que je vais laisser la parole à. Je vais pas quand même garder la parole à moi pour longtemps, comme ça, on va, je pense, laisser plus de temps ensuite au débat, aux questions-réponses. On va laisser. Chicha, c'est ça. Je vais céder la parole à Habib qui va essayer de nous parler justement de l'aventure, de l'initiative des envois spéciaux sur. Je peux vous poser une question. Oui, bien sûr. Dans une structure journalistique, est-ce qu'il y a des femmes? Oui, on a des femmes. Moi, j'ai essayé chaque fois. C'est vrai que, en tout cas, on défend la femme comme nous, on voit la femme. Parce que il y a un vécu, il y a une culture qui est intrinsèque à. Je viens d'Algérie, je viens du Maghreb, donc il y a une culture, une façon de voir, de respecter la femme qui nous est propre. Donc on va justement, on essaye de mettre en valeur la femme. Et moi j'essaie à chaque fois, moi je suis derrière. Hein. Je suis derrière à chaque fois qu'il y a. Vous avez envie d'intervenir peut-être je vois pas trop en quoi la culture vient faire dans l'égalité des femmes. Oui, bah, je peux tenir des discours très très féministes sur la femme, l'égalité homme-femme, mais après, si je suis dans un pays, je vendrais un chewing-gum en mettant une femme à demi, je suis contre. Donc on développe ce discours de la femme, voilà, en même temps c'est un objet marketing. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, voilà, c'est je pense que c'est lié à notre culture aussi, parce que la culture, c'est vrai. Si on dit que c'est une culture patriarcale, c'est l'homme qui est là, mais bon, c'est la femme finalement qui décide. Quand elle a le statut de la femme, quand elle passe du statut de femme célibataire au statut de mère, elle a quand même un pouvoir. Elle décide à la maison, mais pas dehors. Les femmes en Algérie, c'est vrai que bon, on parle, on met toujours en avant le code de la famille, mais bon, on va à l'université. On a fait un dossier sur les femmes et j'avais fait remarquer, j'ai dit, ben, les femmes à l'époque de nos parents et les femmes, relation homme-femme à l'époque de nos parents et relation homme-femme à notre époque, quand on s'est retrouvé à l'université, sur les bonnes universités, donc ça m'a envie de savoir. Ça n'a rien à voir, je veux dire, il y a eu une évolution, la femme, elle a plus. Pour l'anecdote, le président de la République actuel, en fait, ce qui paraît, les décisions venaient surtout de sa maman, sa défunte mère. Ah non, de sa maman. Juste pour vous dire que, à quel point, en fait, le côté courant, mais ça, c'est pas. Elle n'est pas mariée, de toute façon. Non, mais ça, c'est pas une légende, c'est vraiment une réalité. Et voilà, c'était pas visible. Le pouvoir des mères. Exact. Dit très différent des pouvoirs des femmes. Oui, mais ça, c'est littérien, en fait. C'est vraiment culturel, d'où l'aspect culturel dont il parlait tout à l'heure. Désolé, je t'ai interrompu, mais non, ça, c'est un exemple parlant, en fait. Mais il y a l'aspect de la mère, mais l'aspect la femme, elle est arrivée quand même à avoir son mot à dire, parce qu'il y a un aspect économique. Je voulais qu'on parle, si vous pouvez faire un dossier, parce qu'on ne s'imagine pas comme ça, mais l'ensemble, évidemment. Les femmes entrepreneurs, c'est les femmes et l'entreprise. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, il y a des femmes entrepreneuses et entreprenantes extraordinaires dans le monde. Extraordinaires. Il y a un très haut niveau. Très haut niveau. En Algérie. Dans l'ensemble du monde arabe. Elle réussit à chercher. Elles sont majoritaires, donc elles ont plus accès, elles sont plus diplômées, qui fait en sorte que... Attendez, si on veut vous écouter aussi. D'accord, un instant. Voilà, donc elles ont des diplômes, et quand elles ont des diplômes, elles ont du travail. Voilà. Et quand elles ont un travail, elles ont, comment dire, un pouvoir économique. Et les Algériennes réussissent mieux leurs études que ça, les c'est Algériens. C'est des études. C'est vrai que vu du spectre occidental, c'est vrai que la femme, elle est très, on va dire, en retard sur certains sujets dans le monde arabe. Mais il faut laisser pour chaque société son rythme. En fait, le rythme, il est vraiment très très accéléré pour un pays comme l'Algérie. Moi, je vis ici. Quand je vais chaque année en fait en Algérie, je suis agréablement surpris par pas mal de choses. Après, en fait, c'est vrai qu'on peut critiquer certaines choses, on peut critiquer le code de la famille, on peut critiquer... Mais en fait, dans les faits, enfin, ce qui compte, c'est les faits, c'est la réalité, c'est la promotion sociale, la professionnelle et tout, en fait. Pardon ? Allez-y. Enfin, on parle de l'aspect universitaire, ça, c'est le travail propre à la femme. Après, il y a un autre travail, c'est protéger la femme d'un point de vue, par exemple, des violences qu'elle subisse. Ça aussi, les chiffres sont alarmants. Ça, il faut le regarder comme ça. Il faut regarder la femme. Quel chiffre alarmant ? Alors, des violences envers les femmes ou en Algérie ? Il y a eu des violences. Je voulais demander, est-ce qu'ils sont reconnus comme telles, comme des violences, ou alors c'est mis sur le régime patriarcal qui fait que... Non, c'est reconnu, mais les femmes n'en parlent pas aussi facilement. Ici non plus. En Espagne, il y a eu une fois des statistiques, une femme sur deux est battue par son... Je dis parce que c'est un discours qui veut en sorte que, bon, du moment que tu es musulman, bah, ça c'est ce que j'essaie, ça, c'est mon côté un peu politique. Tu es musulman, automatiquement tu vas briller ta femme. Moi je le renvoie, j'ai dit, le prophète de l'islam, sa femme, sa première femme, elle ne dépassait déjà de 15 ans, elle était son aînée de 15 ans, et il était envoyé chez elle, c'était une femme d'affaires. Voilà, après, bon, on peut, c'est vrai, je peux interpréter la religion comme sous le prisme de mon machisme qui est caché, ou je peux aussi se dire laïque ou voilà, mais féministe, etc., etc. Mais ça ne va pas m'empêcher en même temps de rendre à la femme un objet. C'est vrai que je lui permets de travailler exactement, de sortir, de s'habiller comme elle veut. Moi, je suis pas là pour surveiller sa tenue vestimentaire, etc. Il faut que l'égalité soit... Mais la réalité, c'est plutôt que le travail des femmes et le fait qu'elles réussissent, c'est aussi une source de revenus pour les familles. Donc, en soi, ça n'a pas vraiment été une évolution. Oui, mais ça même en Occident, ça s'est fait de la même manière. Hein. En Occident, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Occident, c'est pas les luttes féminines qui ont fait que la femme va commencer à travailler. C'est le capital qui a décidé un jour. Voilà, c'est très intéressant pour nous. Les choses changeront. Je pense que lorsque on arrêtera de considérer la femme, bon, certes, le statut de mère est important dans nos sociétés, de considérer la femme en tant que femme. Il faut qu'elle ait ses droits. Ça, mais elle est quand même. Ça, c'est une évolution. Et maintenant, cette évolution, ça, c'est en tant que femme ou en tant que mère ? Cette évolution, elle est court ? Cette évolution, elle a cours d'un point de vue social. C'est-à-dire que c'est les femmes qui travaillent, c'est les femmes qui ont le revenu, donc en quelque sorte, elles ont un petit peu leur revanche d'un point de vue matériel. Mais d'un point de vue familial, d'un point de vue... Je pense que l'évolution n'a pas lieu à ce niveau-là. Même, ça se traduira. D'ailleurs, si l'évolution avait lieu, ça se serait traduit juridiquement. Donc, c'est ça. Moi, je ne réponds pas à Camille a demandé la parole. Bon, c'est bien, mais je pense que bon, c'est très disparate, c'est pas trop généralisé. Moi, je pense que dans les 50 dernières années qui sont arrivées, c'est pas une évolution quand même. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je suis d'accord. Si vous aviez eu votre grand-mère sous le colonialisme, vous auriez vu l'évolution qui a lieu. C'est quelque chose de fantastique. Le 1, les indépendances. 2, le socialisme, que vous le vouliez ou non, a donné la possibilité à la femme algérienne, je dis bien algérienne, mais aussi tout le Maghreb, etc., mais en Algérie, c'est quelque chose de fantastique. Dans les années 70, 90% des filles allaient à l'école, enfin je veux dire en Algérie, enfin même plus. Donc il y a une évolution phénoménale. Avec un pourcentage d'un monde rural, parce que c'est essentiellement un monde rural, tout le monde a eu accès à la scolarisation, une démocratisation extraordinaire, etc. Et les femmes, bon, c'est vrai que politiquement, il y a eu une lutte, si vous voulez, mais c'est paradoxal, parce que... D'une part, c'est vrai que les femmes ont lutté, etc. Elles se sont retrouvées, on leur a dit, attendez, remettez-vous un peu à vos fourneaux, etc. Donc il y a une lutte dans ce sens-là. Mais quand vous pensez que 70% des femmes sont dans la magistrature en Algérie, que 65% des femmes sont dans les milieux médicaux, que 75% des femmes sont dans la médecine, que 70% des femmes sont chirurgiens, que 70% de femmes sont enseignantes et dans le supérieur, et j'en passe, et les meilleurs, revenez à votre grand-mère. Ouais. Une simple question de Hélène, elle pose toutes ces grandes et différentes paroles sur les femmes. Seulement une simple question sur est-ce qu'il y a des femmes avec vous. Une question simple. Après, on a parti vers les femmes. On a parti tellement vers les femmes qu'on a oublié. On a trois encore, parce qu'avec les temps, je ne suis pas pour couper, mais pour avoir les deux différentes paroles qu'on attend de savoir sur Internet et en Algérie. Mais, et pour moi, on laisse ça, parce que c'est très important, pour voir, est-ce qu'il y a cette discussion dans votre journal? Est-ce qu'il y a les femmes et la question des participations des femmes avec tout? Est-ce qu'il y a c'est ça. Est-ce qu'on vit avec cette discussion qu'on est en train de vivre ici? Est-ce qu'on peut voir aussi dans le journal? Il y a trois femmes qui parlent. Non. Je vais juste apporter un complément à votre remarque. C'est parce que quand on parle des gens âgés, ce qui est ma spécialité, on dit les retraités, les personnes âgées, et on différencie jamais au niveau des statistiques les hommes et les femmes. C'est pour ça que moi je me bats toujours pour pouvoir dire, mais alors que peut-être que ça changera, mais proportionnellement parlant, il y a beaucoup plus de femmes. Mais les femmes retraitées vivent encore le statut réservé aux femmes. Mais moi je suis... Très rarement, on fait le distinguo entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que moi, je réagis comme ça. Je vais répondre vite fait à votre question. On n'est pas tellement nombreux sur le site. Hein. Contrairement à ce qu'ils croient certains, on n'est pas nombreux. Mais bon, il y a trois femmes qui, comme on est un journal qui n'arrive pas à générer de l'argent pour des raisons politiques, etc. Donc je n'ai pas les moyens de rémunérer les gens. Si j'avais cette possibilité-là, j'aurais... C'est vrai, si je vais dans l'égalité enfin, ça va être le critère de sélection, ça va pas être soit le sexe, ça va être la compétence. Mais demande autre chose, est-ce que ce débat, se répercute dans le site. J'ai fait, j'ai fait tout un dossier sur... Il y a un dossier là-dessus, mais à part un dossier, mais... Et il y a des journalistes, il y a des femmes, il y a un auteur, il y a une philosophe, et il y a un militant des droits de l'homme, des droits de la femme, une féministe. Donc, et c'est du lourd. Hein, peut-être qu'elle parle des lecteurs, peut-être la dame veut parler des lecteurs. Le débat des lecteurs. Moi, ça m'amuse parce que des fois, il y a eu, quand on traite des sujets qui éventuellement sont susceptibles d'intéresser les femmes, il y a des femmes qui viennent intervenir. Son autre côté, son chaud du sud, il y a des réactions automatiquement. Du genre, bon, voilà, moi je vais m'imposer, je suis le mâle, je vais carrément dans le barbe femelle. Mais elles ont des répondants, ça sera fait, je veux dire, elles sont là, elles répondent, et généralement, elles mettent tout le bec au monsieur là, qui a fait ce commentaire. Donc, vous avez et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Donc non, il n'y a pas de souci. Demain, si tu as envie de crier, il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir à Internet. C'est une petite chose, qui est, même en France, d'ailleurs, l'Internet est très urbain. Mais est-ce que les questions d'environnement, les questions rurales, quand il y a une grosse émigration, enfin, comme en France il y a quelques temps, hein, c'est le problème de l'urbanisation et la perte du contact avec les ressources naturelles du pays à part le pétrole, quoi, je veux dire. En fait, il y a un aspect justement qui a beaucoup encouragé l'exode rural, les gens qui étaient paysans ou qui étaient en contact avec la terre. Il y a eu 10 ans de terrorisme en Algérie. Hein. Il y a quelques villes qui étaient, par exemple, moi je viens d'une ville de l'Ouest, la capitale de l'Ouest, c'était Oran. On a eu peut-être 2 ou 3 fois des attentats à la bombe. Alger, c'était plus ciblé parce que c'est le centre du pouvoir. Mais les gens, c'était l'Algérie profonde, hein. C'était les petits patelins, etc., qui étaient vraiment touchés parce qu'il y avait les maquis, etc., qui étaient plus touchés par le terrorisme. Donc ça fait en sorte qu'il y a eu un déplacement de population. Dans les villes, il y a un certain moment où il y avait une situation dans la périphérie des villes. Donc ça a créé des bidonvilles, etc. Mais il y a quand même un retour. Moi, personnellement, c'est demain, je sais que j'aurai l'occasion qu'on me laisse travailler parce que c'est mon côté un peu retour à la source. Si je peux avoir un petit lopin de terrain pour faire pousser le plan en Algérie, ben, je suis preneur. Je suis preneur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. J'ai aussi. Quelqu'un, une amie qui a un membre de sa famille qui était médecin ici, spécialiste, qui a super bien sa vie, là, un cadre de niveau social très intéressant. Elle a laissé tomber tout ça et il a repris une exploitation d'olivier de son grand-père et fait maintenant de l'huile d'olive. Voilà, donc il y a un retour. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une. Parce que c'est le pétrole, en fait, c'est une bénédiction, c'est une malédiction maintenant en Algérie. Du moment qu'il y a des recettes de pétrole qui rentrent, donc on peut importer du blé, on peut pas importer. Et si on importe, c'est plus intéressant parce qu'il y a des commissions, il y a des sous. Et voilà. Mais au bout d'un moment, il y a une inspiration. Voilà, on revient à Internet. Donc je donne la parole à Habib qui va nous parler justement de. Parler de leur expérience de joueurs. Pour les spéciaux algériens, hein, voilà, parce que c'est ça. Donc, on va parler des envoyés spéciaux algériens, je vais vous donner parce qu'on répond à la question qui vous est. On me pose souvent la question qui vous est, vous travaillez pour qui avec un peu de méfiance. Je vais quand même commencer par quelques chiffres par rapport à la page des envoyés spéciaux algériens. Donc, c'est une page sur Facebook qui existe depuis juillet 2010. Et nous arrivons aujourd'hui à quasiment 48 000 envoyés spéciaux algériens, qu'on considère comme envoyés spéciaux parce qu'on donne vraiment la parole à ces abonnés qui deviennent en fait une tribune d'information. Des gens qui étaient consommateurs de médias classiques, ils donnent l'information. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un travail de modération. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire. C'est vraiment, on essaye d'éviter les dépassements d'ordre vulgarité, ce genre de choses, insultes, mais sinon, on reste vraiment très neutre par rapport à. On donne pas vraiment, on n'est pas créateur d'informations, on laisse l'information aux abonnés. Donc par rapport aux chiffres des envoyés spéciaux algériens, comme j'ai dit, on est 40 000 abonnés, On a vraiment mis en publication ces derniers mois, donc on commence à être connu quand même au niveau de 20 millions de publications affichées sur Facebook. Sur le nombre d'affichage, en fait. C'est le nombre d'affichage, voilà. Le nombre de vues, comment on dit en ça. C'est exactement le nombre de vues par rapport au site internet. Sur Facebook, c'est 20 millions d'affichages, de publications affichées. Pour revenir aux hommes-femmes, nous avons, d'après les statistiques de Facebook, nous avons 51% d'hommes et 44% de femmes. Oui, donc c'est très équilibré. Et au niveau des administrateurs, on est 7 administrateurs, donc il y a une majorité d'hommes quand même. Il y a 5 administrateurs hommes et 2 femmes. Par rapport à notre travail, ce qu'on essaie de faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment donner la parole aux jeunes, parce que on a aussi 75% de moins de 35 ans. Les 18 ans 35 ans sont à 75%. Donc vraiment une grande majorité de jeunes. Donc on travaille pour les jeunes et donner la parole. Ce que nous essayons de faire, c'est vraiment laisser les jeunes parler, et comme disait tout à l'heure Faisal, nous voulons les voir débattre. Donc ça, c'est très important pour nous, c'est voir les gens débattre, donner l'information, et débattre de cette information. Il y a aussi, c'est un aspect, je pense, l'un des aspects les plus intéressants, c'est le fait de ce que vous avez couvert. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux en Algérie, des grèves, etc. Vous étiez sur place, et l'information elle était en ligne dans des limites. C'est vraiment la force du journalisme citoyen. Quand tu parles du journalisme citoyen, du journalisme participatif, c'est que les gens donnent l'information, et comme nous avons quasiment 50 000 personnes, 50 000 abonnés qu'on considère comme des envoyés spéciaux, ils font le travail des envoyés spéciaux, ils nous donnent l'information. Et si on a 50 000 envoyés spéciaux, on peut dire qu'on est partout en Algérie, évidemment en France, on a des abonnés en Algérie, en France, en Tunisie, en Tunisie, en Maroc aussi, donc on a beaucoup d'informations, on essaye à chaque fois. Par contre, il y a une petite contrainte, c'est qu'on n'est pas sûr d'informations. Donc ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de vérifier l'information en acceptant une information quand elle vient de 3-4 personnes qui envoient vraiment la même information. Maintenant, on ne peut pas vraiment vérifier l'information comme le feraient des journalistes des médias classiques. Parce que ça peut être 4 profils, un faux profil. En général, on essaie de détecter quand même les faux profils. Ça reste plus ou moins difficile. Mais on essaie de le faire quand même, les services d'imagine qui font la même chose, on essaie de détecter, parce que des fois, sur Facebook, on voit que quelqu'un n'a pas d'amis, il n'a pas ça se voit, aucun ami sur Facebook. Oh, ça, c'est pas faux, 500 000 amis, c'est pas bon. Ah, c'est vrai, c'est pas faux aussi. Sinon, l'autre fois, je vous écoutais passer sur une radio, en fait. Oui, c'était le fondateur des Sans Passe, ça, il disait, par exemple, pour aller compléter un peu il disait par exemple qu'il y a installation des envoyés spéciaux est de l'Algérie, des envoyés spéciaux ouest, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une sorte de sous-réseau comme ça pour couvrir des régions. Une petite dernière chose, je regardais tout à l'heure avant de partir sur la page, un truc qui est qu'on ne voit que chez eux en fait, il me semble, une petite question posée par les administrateurs qui dit chers abonnés, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe dans vos quartiers? Racontez-nous ce qui se passe dans vos quartiers. Envoyez-nous vos images, vos photos, vos vidéos, éventuellement des trucs. C'est une façon de travailler, il me semble, qui est là. Voilà, c'est vraiment du journalisme citoyen, comme l'a fait CNN pour la révolte tunisienne, avec son Aviport, Le Monde le fait aujourd'hui avec les blocs du Monde. Donc c'est quasiment tout le monde qui se met vraiment au journalisme citoyen. France 24 a fait ça avec France 24 le fait aussi. C'est quasiment tout le monde qui se met à ça parce que c'est vraiment. On arrive à avoir l'information très vite. Ça, c'est vraiment. Notre avantage, c'est qu'on a l'information très vite. J'ai travaillé, je suis souvent en Algérie, donc depuis 2 ans, je suis ici en France, mais j'étais en vacances, donc il y avait une manifestation des étudiants il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Donc vraiment, on essaie de faire de l'instantané, avec des MMS, avec les quelques zones Wi-Fi qu'on a à Alger, donc on essaie d'envoyer vraiment, on essaie de faire de l'instantané. Maintenant, comme disait Salet, c'est vraiment, on essaie aussi de faire un réseau d'envoyés spéciaux, donc des gens de confiance qui travaillent directement avec nous et qui essaient. Bonjour. essaient de nous donner l'information, de vérifier. On essaie d'avoir des gens qui vérifient l'information, qui sont sur place et qui auraient la vérité de l'information. C'est surtout nous, c'est un travail. On essaie de sélectionner des articles, des journaux, des médias classés. Comme ça, ça crée déjà ça. On essaie de donner donner l'information, de sélectionner des informations, et aussi ça permet aux gens, aux abonnés qui sont avec nous, de débattre. Et comme disait Sophie tout à l'heure, c'est vraiment très important pour nous de voir les gens débattre. Ça, c'est vraiment notre côté politique. Je vais te poser une question parce qu'il y a plus de monde. Moi, j'ai ma petite expérience par rapport au journal, c'est vrai que des fois ça part dans tous les sens. Voilà. Et tu sens qu'il y avait cette envie de. Il y a une petite frustration par rapport à justement, la fermeture du champ médiatique comme AGEL. Voilà, comment tu sais si tu veux aller. Comment tu traitais ça la fermeture du champ médiatique et aussi, il doit y avoir des censures. Comment vous détournez Les censures. On essaie quand même d'avoir nos propres informations. On ne va pas prendre des informations qu'on a vues à la télé algérienne, par exemple. Sur la radio algérienne, on sait que c'est je le dis clairement, c'est des médias qui ne sont plus crédibles en Algérie. Ça, ouais. C'est clair, net et précis, mais ça, tout le monde le sait. Sauf quand il y a le discours, parce qu'il n'y a pas mal d'autres choses. Oui, c'est pas ça. Tout à fait. Donc, même si on regarde, mais il n'y a pas que nous, tous les jeunes algériens, ils sont unanimes sur une chose. Les médias classiques algériens, à part la presse écrite, ils ne sont plus crédibles. Et maintenant, pour la presse écrite, on essaie quand même de sélectionner les journaux avec lesquels nous essayons de transférer l'information. Et justement, la température, j'allais te demander juste là, comment tu sens justement la température, il y a une grande frustration des Algériens par rapport à la fermeture du champ médiatique. Donc, cette frustration, on peut la distinguer facilement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous. C'est même sur des médias alternatifs. Donc, c'est vraiment ça. Il y a les gens qui viennent chez nous. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de combler. On ne va pas combler le vide que laissent les médias classiques. Mais on essaye de combler une partie de ce vide-là, de donner l'information, une information dont on ne parlerait pas sur les médias classiques. C'est surtout ça notre travail. C'est super. Vous voulez peut-être lui poser des questions ou on passe à Samir, à Chicha. Samir. On passe à Samir, à la parole. Donc c'est à vous. Non, non, c'est moi. Tu veux poser une question ? Je suis obligé de tourner la table. Je suis obligé de tourner la table. Quand on parle de la fermeture du champ médiatique en Algérie, c'est une réalité. Est-ce que, après un moment, vous parlez tout le monde sait que les médias chez nous, il y a vraiment une fermeture du champ. Mais est-ce que, par exemple, à travers les sites, à travers les blogs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de banalisation des médias? Qu'est-ce que j'entends par banalisation? C'est-à-dire, les gens, quand ils font des commentaires, ou les gens, quand vous voyez l'intox, surtout dans ces moments, il y a beaucoup d'intox. Donc on ne peut pas contrôler tout. Deuxième point, il y a les gens généralement quand ils commentent, ils font c'est des pseudos, ils sont pas responsables de ce qu'ils disent. Chose très très importante. Et enfin troisième point, c'est est-ce que vous pensez peut-être mettre un peu d'exigence. Bon, je parle pour tout, d'une manière générale de tous les médias qui existent sur Internet. Donc la question elle est pour tout le monde. Juste un petit mot sur l'intox, parce que souvent c'est la critique qu'on fait en fait, c'est la critique que font les journalistes traditionnels par rapport aux gens qui essaient de faire des choses sur Internet. Excusez-moi, je suis journaliste, mais moi si je viens d'abord par solidarité. Parce que je connais personne, et puis c'est pas. Je discute des sujets. Pour aborder le sujet, justement, il est intéressant, je pense. Et on a toujours dit que sur Internet, il était plus facile de faire de l'intox, et puis les gens n'étant pas professionnels, du coup, ils peuvent faire circuler des informations qui ne sont pas bonnes parce qu'ils ne peuvent pas les vérifier, ils n'ont pas la technique qu'ont les journalistes parce qu'ils apprennent ça à la fin. Moi, je dis, on a de l'intox, on a de la propagande, y compris dans la presse traditionnelle. Tu vois, ça veut dire qu'on n'a pas sur Internet un truc qui rend faible les gens qui interviennent sur Internet ou qui les rend plus moins crédibles que ceux qui sont dans la presse traditionnelle. Sauf que dans la presse traditionnelle, les gens peuvent faire de l'intox, de la propagande, sans que le lecteur ait la possibilité de faire dans la contradiction, de démontrer le contraire, de démonter l'info. Par contre, sur Internet, que moi j'ai toujours défendu en fait, sur Internet, si, sur Internet, quand les envoyés spéciaux diffusent une information qui est fausse, dans la minute qui suit, il y a un internaute qui dit, écoutez, votre info elle est fausse, et moi je vais vous démontrer que elle est fausse. Du coup, je pense que je suis plus à l'aise sur Internet tout en restant vigilant. Quand on traite l'info ou quand on a affaire à de l'information, on doit être vigilant, qu'elle vienne de la télé, de la radio, de la presse écrite ou de l'Internet. Il faut être vigilant. Par contre, je suis plus à l'aise sur Internet parce que sur Internet, plus personne ne peut me mentir, en fait. Quand quelqu'un il essaye de faire un truc qui est faux, ben, tout de suite, les gens le démontent. Ce qui n'est pas possible dans la presse traditionnelle. Ah, mais je pense que traditionnellement, bien le droit de lecteur, mais moi, ce que j'ai envie de dire, excusez-moi, si je donne par exemple un exemple, quand on va sur Algérie Focus, par exemple, c'est un bon exemple. Moi, je comprends en tant que lecteur qu'il y a des gens, il y a une espèce de diarrhée verbale. Je comprends, c'est quoi? C'est l'expression d'un profond besoin d'expression. Mais. Ceci dit, parler c'est bien, mais pas dire n'importe quoi. Et quand on peut analyser un commentaire, des trucs... Je me tapais à peu près, excusez-moi peut-être le terme, 100 à 150 commentaires par jour, et des fois, quand je relisais, on n'était pas dans le constructif. Mais bon, il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas des Suisses, je veux dire, on n'a pas vécu dans la paix, on est des Algériens, on en appartient à une région qui a déjà de nature, on est chaud, et l'Algérie, voilà. Donc, soit je les censure, et soit je les laisse s'exprimer. Ce que j'ai fait à un certain moment, de temps en temps, je venais et je donnais, disons, bon, voilà, vous avez parlé pendant toute la journée, on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a gagné les uns les autres? Pas grand-chose. Je les ai laissés parler jusqu'à maintenant. Moi, j'évitais juste ce qui est diffamation, etc. Diffamation quand il y avait des insultes et tout. J'intervenais. C'est normal, j'intervenais. Je ne voulais pas que le journal soit... Parce qu'il y a des excités du clavier qui, là, voilà, parce que l'autre ne lui plaît pas, parce que peut-être, je ne sais pas, il vient et il va déverser toute son fiel sur le site. J'essaie quand même de modérer. Des fois, quand il y a le flux des commentaires qui arrive, et je n'ai pas que ça à faire, et je veux dire, on n'est pas une équipe, je n'ai pas trois modérateurs, je fais après la modération, la correction, et ben voilà, parce qu'on manque de moyens. À un certain moment, je les ai mis devant leurs responsabilités. Actuellement, pour pouvoir faire un commentaire sur Algérie Focus, il faudrait que tu t'inscrives. J'ai ton mail et ton IP. Je leur ai laissé un moment de prendre conscience que, bon, voilà, il y a un respect, je te laisse parler, d'accord. Et maintenant, si tu veux aller au fond de ce que tu es en train de développer, ton anonymat, tu peux garder un pseudo. Mais entre nous, il y a un contact tacite, tu vas t'inscrire, je vais avoir ton mail et ton IP. Et là, tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne vais pas divulguer ton identité. Mais au moins, tu vas savoir que ben, le modérateur du site, il sait qui est en train de faire ce commentaire. Et là, j'ai senti que déjà, j'ai perdu à peu près, je ne sais pas, la moitié. Il y a moins de commentaires. Et le niveau du commentaire du discours a changé parce que je les ai responsabilisés. Oui, mais bon. Parce que hier, j'ai découvert des choses sur moi, par exemple. C'était sur ton article. Moi, je voulais pas. Ben, c'est ton article qui était sensible et ton article était ton article. Non, moi, je suis responsable. Je l'ai diffusé sur Algérie Focus dans la presse écrite. Ton article, il était exact. J'ai signé avec moi, par exemple, il y a quelqu'un, j'ai découvert des choses vraiment pour moi. Si le type qui s'appelle moi, ça, j'étais pas sensible à ce genre de choses parce que je connais les Algériens, on se connaît, quoi. C'est une grande famille. Mais je trouve que le fait de ne pas assumer cette parole en public, c'est, je ne parle pas de musique. Hein, je ça, parle de l'article en question, tu n'allais pas de main morte en fait, tu n'as pas fait dans la dentelle. Mais c'est quoi l'article? C'est dans ce choix. Tu réagissais d'une manière assez. Et je pense que les commentaires. Moi, j'intéresse, je pense. Non, je ne sais pas une critique que je te fais. Non, ce n'est pas une critique que je te fais. Mais bien au contraire. Je crois que là, c'était assez corsé et je pense que les réactions étaient. Pour aller sur le fond, excusez-moi, parce que là, en fait, on parle d'Internet d'une manière générale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les intervenants, ils ont la possibilité de ne pas divulguer leur identité, ce qui fait que ça fait des débats un peu particuliers. Mais moi, je me place de l'autre côté, du côté des lecteurs. Bon, parce qu'en fait, il y a deux sujets différents. Par exemple, Facebook, en fait, pour Facebook, ce que je voulais dire, parce que tout à l'heure, il parlait de l'intox, mais pour moi, l'intox, elle pouvait venir aussi des sites d'information, je ne parle pas d'Algérifox, mais plutôt des groupes ou des fanpages qui émettaient de l'info sur Facebook. Au début du mois de janvier, il y avait peut-être, j'étais abonné une dizaine peut-être de pages qui traitaient de l'information et tout. Il y avait du faux, des vrais, il y avait des pages qui étaient pour, on va dire, pour la révolution, ce qui fait que ça relayait uniquement des informations relatives à ça. Et ce qui faisait la force un peu d'envoyé spécial, c'était le fait de ne pas s'afficher clairement d'un côté ou d'un autre. Donc déjà au niveau du nom, parce que pour les autres pages, moi, j'ai plus les noms, mais c'est Révolution en Algérie, Intifada algérienne, le 8 janvier, on va faire la fête. Moi, c'est-à-dire, c'était vraiment... moi, je suivais vraiment les choses de très près. Mais en fait, les gens, ce que je voulais dire, c'est que les gens ne sont pas bêtes. Pourquoi vous avez l'un des abonnés, le nombre d'abonnés le plus important, 50 000, c'est ça? Et les autres pages n'en ont pas, parce que simplement, c'est la manière de traiter l'information. Donc même, en fait, cette responsabilisation, ou je ne sais pas quoi, en fait, comment vous appelez ça, il y a une sorte de tri qui se fait naturellement, ce qui fait que les médias qui sont... traite les choses plus ou moins d'un certain, on va dire, professionnel, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que vous ne vous définissez pas comme professionnel, vous dites voilà, on fait du journalisme. C'est pour les citoyens, donc. Exactement, on définit. On ne voit pas du tout. Mm-hmm. Donc voilà, après. On dit une chose, vous dites, parler d'un tox, mais quand vous écrivez un morceau, enfin quelque chose, est-ce que vous identifiez, comment vous pensez, est-ce que. C'est clair à vous-même. C'est pas, vous ne prenez pas parti pour telle ou telle chose, c'est pas ça. Mais vous vous situez comment? Sur l'échiquier politique, par exemple, ou quoi? Et l'autre, et vous permettez à l'autre d'identifier votre positionnement? C'est ça la question. Il y a toujours ce qu'on appelle dans les journaux, il y a une ligne éditoriale. Il y a des journaux qui sont marqués à droite, d'autres à gauche, il y a des communistes, etc. On a une ligne éditoriale. Et vous avez. Oui, nous c'est un état de droit. Je ne parlerai même pas de démocratie parce que c'est tellement galvaudé. Oui. Maintenant on voit des bombes, on voit démocratie. D'un état de droit, un état de droit pour tout le monde, un état de droit, mais bon, il y a des conditions. Mm-hmm. On ne va pas du jour au lendemain faire voter les Algériens. Je sais que peut-être ils vont pencher. C'est pas que je remets en doute leur capacité de réfléchir ou d'identifier leurs intérêts. Sauf que. Il faudrait déjà que les Algériens puissent avoir plusieurs centres-cloches, qu'ils discutent au moins un an. Moi, je vois la voix comme ça, la chose. Ils discutent au moins un an. Et les islamistes, qu'on appelle les islamistes, et les démocrates, etc., ils passent à la télé, il y a les médias publics. Donc, ils laissent les gens au moins avoir plusieurs versions. Il y a des projets, c'est comme on le fait partout. Ben voilà, moi, c'est mon parti politique. Ben, si j'arrive au pouvoir, ben, je vais changer ça, je vais interdire ça, etc. L'autre, il va venir, pareil, il va présenter son programme. Après, bon, il y aura un vote. Ce qui s'est passé en Algérie, c'était pas ça. Parce qu'à un certain moment, c'est pour ça qu'on parlait du vote islamiste et tout. Mais bon, il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été évoqués. C'est juste, on essaie de faire de la Tunisie actuellement. Ben, s'il n'y a pas Ben Ali, ça sera peut-être éventuellement les islamistes. Je pense que non, je pense que les Algériens sont assez conscients, ils le demandent. C'est vrai qu'il y a une façon de dire les choses parce que c'est un apprentissage qui est rendu depuis du temps, mais ils ont une certaine maturité politique et Internet a permis ça parce que il n'y a pas un conditionnement logique bien défini. Chacun sa façon de de s'informer et de peut aller juste dans un journal ou éventuellement de trouver sur Facebook ce qui est intéressant. C'est vrai, c'est le côté LinkedIn. Mais ce que j'observe, moi, c'est que bon, il poste 2-3 chansons sur son espace et en même temps, il poste des articles d'analyse, il poste des citations, il poste. Voilà, donc il est là, l'information, parce que ça montre un passage aérien. Ils lisent la presse française, les gens qui parlent d'autres langues, ils publient des articles en d'autres langues, etc. Donc il y a une maturité qui est en train de se mettre, de se réaliser doucement sur Internet. Et puis voilà, donc notre ligne, c'est comme ça. Moi, j'ai donné la parole avec des gens avec qui je suis complètement, opposé politiquement, idéologiquement. Mais il y a un contrat. Tu viens sur le site, mais je vais te poser des questions qui fâchent. Je ne vais pas te faire de la promotion. Tu vas venir, on va aller au fond des choses, on va te poser des questions, ça va être un débat, va t'en rompu. Je vais te toucher là où, en fait, j'essaie de me mettre dans la position des lecteurs, parce que j'essaie de lire un peu à droite et à gauche qu'est-ce qu'ils pensent de tel homme politique, qu'est-ce qu'ils me reprochent. Et moi, j'essaie de résumer et de poser comme question. Donc, en fait, je fais tout simplement mon travail de journaliste. Mais je l'invite quand même. Du moment qu'il joue le jeu de la franchise et qu'il va au fond des choses. Et donc j'ai reçu ce qu'on appelle les islamistes, et j'ai reçu ce qu'on appelle les séparatistes, les autonomistes, avec qui je ne suis pas d'accord, moi. Mais du moment qu'il vient, qu'il joue le jeu de la démocratie, j'aime pas trop ce mot, mais bon, il joue le jeu de la vérité, il aura sa part. Moi je le vois comme ça, parce que je me suis dit, finalement, on a passé par 10 ans de sang parce qu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Je pense qu'on s'est parlé à la base. Il y a eu beaucoup de morts. Si on arrive quand même à se parler par les mots, même si c'est violent, mais c'est à demi-mal. On va se prendre la tête à un certain moment. Et après, on va se rendre compte, on veut tous le bien-être de ce pays. C'est vrai, toi, peut-être tu as plus tendance à penser comme ça. Moi, j'ai plus tendance à penser comme ça. Mais bon, on va peut-être laisser nos différents côtés, mais bon, on est quand même d'accord sur ce point-là. Alors, on va essayer de faire un état de droit où tu peux, toi, penser ce que tu veux, mais dans les limites d'une loi qui va être. Voilà, un état de droit. C'est un peu notre ligne. J'aimerais juste répondre aux trois questions. Non, mais si, aux questions. Non, mais attendez, la demande est à moi. C'est très difficile pour moi. S'il y a beaucoup de questions. Non, vous avez mais juste une question. En fait, vous disiez d'ailleurs en introduction qu'en fait, les gens ne se parlaient pas. Et finalement, c'est plus facile de se parler par Internet parce que les gens ont moins peur, en quelque sorte. Là, ils sont plus responsabilisés quand vous leur prenez leur adresse mail et leur adresse IP. Donc, il y a une barrière. C'est récent que j'ai fait ça. C'était pas mon but. Ouais. Je disais qu'en fait, est-ce que vous sentez que dans la société elle-même, le fait que les gens se parlent un peu plus sur Internet, est-ce que ça se traduit après, au niveau de la société, est-ce qu'il y a ces débats-là après, est-ce que les gens se réunissent et en parlent, est-ce que vraiment la toile va impacter après la société, que les langues vont se délier en quelque sorte? Faisal, il faut préciser aux gens qu'il n'y a pas eu de débat public. Il faut préciser aux gens qu'il n'y a pas eu de débat public plutôt politique en Algérie pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire. Il n'y a pas le droit de. Bon, maintenant, ils ont levé ce qu'on appelle. Ce qu'ils ont. L'état d'urgence. Donc, on peut maintenant se mettre en association. Il n'y avait pas le droit d'avoir une association. Il n'y avait pas le droit de faire des meetings. Il fallait avoir une autorisation, etc. Donc, les gens ne se sont pas parlé. Et en plus, il y avait de la violence physique. Il y avait des morts, etc. Et c'était fermé, les gens, donc c'est normal, la première des choses, c'est une fenêtre sur le monde. Et bon, il y a des conditions aussi, conditions sociales très difficiles, etc. Donc c'est quand même pétré, il faut se mettre dans à la place des gens. C'est pour ça que j'ai été indulgent à un certain moment. Mais après, je dis, c'est une évolution. Là, ça fait 2 ans que tu dis, voilà, t'avais besoin de vider ton sac. On va passer à autre chose, on va passer au construit. Mais il demande autre chose, Je pense que souvent j'ai des gens qui parlent de ça parce que c'est la première fois que je me présente comme administrateur des organismes et que personne ne savait que j'étais administrateur. Donc j'ai beaucoup de gens qui parlent de ça. Donc, ici en France, avec les amis qui sont en France, on parle en Algérie aussi. Parce que c'est pas... Le problème avec Internet, c'est qu'on est minoritaire des Internet algériens. Donc on ne peut pas représenter la jeunesse algérienne. Mais par rapport aux Internet, je pense que de toute façon, les 50 000 que je touche, j'ai sûrement des amis qui parlent de ça, des sujets qui sont présentés. Mais ça, c'est bien. On voulait avoir le débat. Ça, c'est très important pour moi de voir les gens débattre par rapport à ça. Mais est-ce qu'ils débattent entre eux après sur l'impact d'Internet dans leur vie ou dans la communication? Alors ça, je ne sais pas, mais je ne sais pas vraiment s'ils parlent d'Internet, mais je pense qu'ils savent que c'est vraiment une liberté qu'on leur donne. On leur donne, parce qu'ils l'ont, cette liberté, c'est la récente. Elle vient avec Internet, surtout. Ils parlent, les AGM, non, jamais peur. Dans les cafés, dans les cafés, ça part, oui. Parce que là, c'est sur Internet, c'est vrai, peut-être c'est un peu anonyme, mais il va peut-être il va arroser un peu. Mais n'importe quel café algérien, ça discute politique. Non, en fait, moi je pense qu'il y a, en fait, il y a, c'est peut-être pas deux castes, mais en fait, il y a les anciens qui sont francophones et qui lisent plus la presse française avec une certaine ligne éditoriale. Et ces gens-là, ils commencent à se mettre très doucement à Internet. Mais il faut savoir que depuis la fin, entre guillemets, des événements en Algérie, les langues se sont déliées dans les cafés, entre amis, tout le monde parle. Et la jeunesse, elle, est plus concernée par l'Internet, parce que la jeunesse, elle est, comme en France, elle est née avec Internet. C'est-à-dire que c'est le moyen le plus accessible pour eux, et à travers le Facebook, Twitter, ils communiquent énormément. Donc ça, oui, aujourd'hui, les Algériens, ils en débattent. Et maintenant, ils cherchent peut-être des solutions pour s'organiser, pour pouvoir des sites comme Algérie Focus, pour pouvoir extirper des idées de construction, de plans politiques. Et c'est bien qu'il ait fait intervenir chacun des différents bords pour qu'on puisse justement, d'un côté, montrer les inepties des uns et les bons côtés des autres, puisque sinon, de toute façon, si on cherche à mettre dans un coin une partie de la population, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ça va exploser. Donc c'est en prenant conscience de toutes les composantes de la société, on va seulement réussir à faire ou à tirer la quintessence de cette société, ce grand pays, parce que ça fait des années que l'instruction, et surtout les anciens, ils ont une instruction basée sur la langue française, avec énormément d'arguments, de constructions. Ils vous parlent avec des thèses, des antithèses, des synthèses. Mais c'est vrai qu'on a connu 10 ans où c'était l'omerta, parce que l'omerta, c'était la peur. Voilà. Je comprends pas pourquoi vous faites la différence entre les arabophones et les francophones, parce que moi personnellement, je connais beaucoup d'arabophones qui font cette construction de la bande débat. C'est-à-dire, je crois que c'est contre-productif d'encore aller sur cette voie. Peut-être critiquer l'arabisation, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'on est arabophone qu'on est intrinsèquement, on va dire, battre. Voilà. Non, c'était pas mon propos là-dessus. Donc c'est lié à la langue pour vous. Non, pas du tout. Non, c'est très important. C'est un débat très important parce que je connais beaucoup d'arabophones qui sont démocratiques dans leur réflexion et dans leur approche de la chose. Non, c'est pas du tout. Et je trouve que c'est contre-productif. Non, je dis pas que c'est pas du tout lié à la langue. D'accord. C'est une question de génération, excusez-moi. Je pense que arabophone ou francophone, berbérophone, il y a eu un temps où les débats étaient très importants d'agir. Je devins. Je continue à dire, je m'excuse parce que je ne vivais pas là-bas, effectivement, il y a une période difficile, des cellules noires, etc. Mais jamais, moi, à mon avis, moi je retournais régulièrement, une fois ou deux fois par an, les débats, les discussions ne se sont jamais arrêtées en Algérie. Oui, comme d'accord. On a eu en Tunisie, où j'ai un petit peu, je connais un peu, et en Égypte, où j'ai vécu. C'est pas vrai. Et le débat, le type de débat qu'il y a en ce moment, là, en se faisant des trucs et tout, c'est vraiment caractéristique de l'Algérie. Ce qui se passe là, en ce moment, là, maintenant, c'est jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Avec une peur, mais le discours a toujours été présent. Le débat a toujours été présent. La pensée, le débat démocratique, c'est même dans les pires moments. Non. Et ça, c'est une exception à jamais. Je suis d'accord. Excusez-moi, c'est juste pour finir ma phrase, parce qu'en fait, j'avais commencé. Je trouve que c'est un truc important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, la langue ne véhicule pas d'idéologie. Laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. En fait, pour moi, la langue, ce n'est pas une idéologie, et c'est très grave de différencier les gens sur une base linguistique. Je suis d'accord pour critiquer, on va dire, une certaine manière de penser, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on est moderne, et si on est arabophone, on est, on va dire, d'une certaine manière arriéré ou féodal ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est ça qui contribue aussi à créer cette crispation, et on ne va jamais en sortir. Et croyez-moi, moi je suis algérois, je connais très bien Alger, je peux vous présenter plein d'arabophones très ouverts, qui sont aptes à la discussion et tout. Oui, mais en fait, la caricature, en fait, cette caricature, je la déteste. Pourquoi ? Parce que je la retrouve dans les médias français. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. C'est uniquement sacraliser la formation française. Non, mais je ne suis pas contre, en fait. Moi-même, j'adore le français, mais j'adore aussi l'arabe. Et je discute avec tout le monde, et ce n'est pas, en fait, pour moi, la limite. J'ai mon père qui est juriste, qui est francophone, ma mère qui est arabophone, qui est juriste aussi. On a des débats en langue du pays, en arabe algérien. Et en kabyle, pourquoi pas. Ouais. Alors, ouais, donc, je suis sûrement, comme je ne suis pas kabyle, donc on ne parle pas kabyle. Donc on a des débats comme ça, c'est en algérien, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste répondre aux questions qu'on m'a posées par rapport aux envoyés spéciaux algériens. Tout à l'heure, tu m'as parlé de comment ça a démarré les envoyés spéciaux algériens par rapport aux autres groupes. Les envoyés spéciaux algériens ont été créés en 2010. Donc, juillet 2010, c'est pas un groupe né suite à un excès de zèle, suite aux affrontements. Donc, ça existait déjà. Les affrontements nous ont permis de montrer la qualité de notre travail. On a vu. C'était aussi l'histoire du foot aussi qui a fait. On n'a pas beaucoup parlé de foot. C'est sur l'interview, parce que vous êtes passé sur la Refocus, vous disiez à un certain moment que c'était. Il y a eu quelques bases. Le grand buzz qu'on a eu, c'est de 15 000 à 30 000, c'est vraiment les événements. Les événements, parce qu'on a montré notre travail, et on était crédible. On avait l'information, on avait les images, donc on était crédible. Donc par rapport à l'intox qui existe, on essaie de faire le maximum pour vérifier l'information. Maintenant, tout le monde essaie de nous décrédibiliser avec vous mentez. Mais bon, ça, on a parlé de ça tout à l'heure. Excusez-moi, quand je dis ça, sinon parce que sur Internet, je l'ai déjà dit, cette diarrhée, parce que c'est, désolé pour le mot, il exprime un profond besoin d'expression, parce que la presse est libre, dans la presse écrite, c'est muselé, hein, il faut pas croire, la presse algérienne n'est pas indépendante. Voilà, donc je le dis de l'intérieur. Il n'a jamais été indépendant et il ne le sera jamais. Quand je dis ça, parce que faut pas être. Non, parce que il faut pas, comment dire, faut pas avoir d'illusions maintenant. Enfin, c'est, malheureusement, c'est le. Je vais juste lui poser une question. T'as été sur des sites français, Nouvelle Ors, Libération. T'avais les commentaires. Bien sûr. C'est pas toujours des lumières. Non, c'est la presse française. Quand même, dans la presse française, il ne faut pas le croire. C'est serré. Il faut maintenant parler de l'Algérie. On ne peut pas parler de la presse française. Oui, ça il y a des articles qui peuvent jamais passer, par exemple, dans Le Monde, tous les temps. Hein. Ça, c'est... Non, mais nous, personnellement, on comprend cette méfiance qui existe après ce qui s'est passé. Bon, les Algériens, je pense qu'on est d'accord sur ça. Ils ne croient plus en personne. Donc à chaque fois, ils sont méfiants, on le comprend. Hein. À chaque fois, j'ai la question, vous êtes pour, vous travaillez pour qui? Mais vous travaillez pour qui? Ben, là, moi je le dis aujourd'hui, nous travaillons pour les jeunes Algériens. Nous travaillons vraiment pour les jeunes Algériens. Nous essayons de faire notre possible pour donner l'information. C'est juste ça. C'est parce que nous sommes d'accord sur un point, les administrateurs des envoyés spéciaux algériens, qu'il faut donner l'information et qu'il faut donner la parole au peuple. Je voudrais poser une question en fait en rebondissant un peu sur le petit débat qu'on a eu sur la langue. Comment on s'intéresse un peu dans le séminaire à la mise en forme en fait, hein, du langage un peu de la pensée? Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, même dans votre travail de filtrer comme ça les, en fait, hein, tous les commentaires que vous recevez, quelle est la tendance en fait, hein? Est-ce que, quand on se balade par exemple sur le site tunisien, comme ils sont bilingues, alors ils jonglent avec les deux langues. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre de l'arabe dans des lettres, en fait, dans l'alphabet français. Et vas-y, va essayer, soit. C'est pire, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, ma question est. Voilà, je pense que les Tunisiens utilisent beaucoup. Alors, c'est ma question, En Algérie, alors, sur quel registre on joue, justement, pour déjouer, y compris votre vigilance, en fait, des modérateurs? Hein, c'est-à-dire, avec quelle langue on joue? Parce qu'il est là avec nous. Avec quelqu'un, oui, est-ce que vous laissez le champ ouvert, en fait, hein, justement, à ce jeu de langue, à ce jeu de langage, hein, est-ce que c'est possible? Je m'excuse, hein, je ne suis pas allé voir, en fait, ma curiosité ne m'a pas poussé jusqu'à pousser la porte, en fait, d'Alger pour aller voir ce qui se passe, en fait, dans le site aussi, mais j'irai, hein, c'est plutôt possible. Et je suis vraiment curieux, en fait, hein, de savoir quelle est cette plastique, on va dire, un peu, en fait, hein, linguistique, justement, qui se joue, hein, un peu. On le trouve aussi chez les Marocains, un peu. Hein. Mais, voilà, je voudrais savoir un peu quelle est cette mise en forme, justement, spécifique, justement, aux jeunes. Hein. En ce moment, on voit bien, hein, que... Vous n'aimez pas le mot démocratie, mais en France. Non, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe en Espagne fait des émules, non seulement en Italie, mais aussi en France. C'est-à-dire que l'occupation des places publiques, justement, s'enclenche dimanche prochain. Hein, c'est-à-dire après, on va prendre la rue. Oui. Et les indignés, en fait, hein, les indignos un peu espagnols, voilà, eux, ils ont plutôt une critique à faire, radicale, en fait, au droit. À l'état de droit. C'est-à-dire pour eux, en fait, d'état de droit ou pas, de droit, il n'y en a pas. Hein, dans leur slogan. Vous voyez un peu.